plein de monde qui comprend, mais moi pas exister. J'en dis à yo à Jean-Jean, yo comprend tout le monde a plié. Ce soir yo erreur, ou bien yo fait pour tromper moi. Sans les aïs, yo yo pas de conviction. Moi dis éviter. Mon sayo, ou yo pas tromper non.